De retour à Futur Simple après ce mélange de pauses publicitaires et musicales. Alors nous allons maintenant aborder un sujet assez inattendu dans une émission scientifique, le crime organisé. Avec la commission Charbonneau qui occupe la une des journaux ces temps-ci, il est difficile de ne pas entendre parler de la mafia et du crime organisé qui s'est infiltré dans les gestions municipales et provinciales. Or, il n'y a pas que les projets de construction ou le commerce illicite de drogue ou de diamants qui sont gérés par les groupes illégaux. Il y a aussi le bois. Alors, Christiane Dupont est ici pour nous parler d'un nouveau rapport de l'ONU et d'Interpol qui a paru à ce sujet-là. Alors, bonjour Christiane. Bonjour François. Alors, premièrement, Christiane, j'imagine que ce ne sont pas toutes les espèces de bois qui sont concernées par ce commerce. Alors, de quel bois parle-t-on et, en fait, ils proviennent de quelle région ces bois-là? Bien oui, il faut savoir que c'est pas instinctif de dire « Ah, le crime organisé dans le bois, hein? » C'est pas quelque chose... Mais c'est vraiment très répandu sur la planète et ça a des grands effets. Et c'est quelque chose que je trouve ça intéressant que l'ONU vienne de sortir un rapport à ce sujet-là parce que c'était vraiment quelque chose de pas très connu. Pas très documenté, et très c'est difficile ça? Difficile à documenter d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, les principaux pays là, où il y a vraiment un commerce assez fort, commerce illicite fort, c'est beaucoup les pays tropicaux qui bordent le bassin de l'Amazon, qui est une très grande forêt avec beaucoup d'essences d'arbres. J'imagine des essences exotiques. L'Occident peut rechercher. C'est ça. L'Afrique centrale et l'Asie du Sud. Donc, c'est beaucoup ces trois zones-là où le rapport de l'UNEP, qui est un programme des Nations Unies pour l'environnement, qui conjointement avec Interpol ont fait une grande enquête sur le crime organisé, et ils disent que de 50 à 90% de l'exploitation forestière dans ces zones-là serait illégale. C'est vraiment énorme. C'est très élevé. Donc, c'est une très grande menace pour la lutte contre le changement climatique parce que ça, c'est pas réglementé. C'est toute cette partie-là, on sait pas ce qui se passe. C'est pas comptabilisé non plus. C'est pas comptabilisé. Donc, pour la déforestation, c'est vraiment pas très bon. Ni la conservation de la faune et tout ce qui peut en découler. Et aussi, l'éradication de la pauvreté, c'est pas une manière très, très durable de faire des richesses. Et on estime aussi qu'entre 15 et 30% de tout le bois mondial est issu du commerce illégal. Donc là, on prend la planète, on ne parle pas juste de ces régions-là. Donc c'est très, très élevé. C'est pas marginal. Exactement. Et le bois, ça peut être, beaucoup les essences, pas très chères qu'on peut retrouver partout, là, qui poussent vite. OK. Bois de construction, peut-être, oui. Bois de construction. Dans les journaux aussi, les papiers, les cartons, parce que c'est facile à dissimuler. Je vais y revenir plus tard, mais il y a des manières de cacher ça. Une fois quand c'est fait en carton ou en autre chose, on voit pas les planches, pas une étiquette là-dessus. Et certaines essences rares, comme l'ébène ou l'acajou du Brésil, qui sont juste recherchées dans des meubles exotiques, parfois. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, j'imagine que la déforestation illégale doit être très dommageable pour l'environnement. Oui, c'est vraiment dommageable parce que, tout le monde sait que les forêts sont un peu les poumons de la Terre. Et elles emmagasinent, elles peuvent émettre à un certain point, mais c'est vraiment essentiel. C'est vraiment un puits de carbone quand la forêt est en croissance particulièrement. Et puis, donc, la déforestation illégale, principalement dans les forêts tropicales, est responsable d'environ 17 % de toutes les émissions artificielles de dioxyde de carbone, c'est-à-dire les émissions... c'est causé par l'homme. Anthropique? On détruit le puits. Donc, il y en a plus qui reste dans l'atmosphère. Okay. Et puis, ça correspond à 50 % de plus que toutes les émissions combinées de bateaux, d'avions et de transports routiers. Donc, c'est vraiment un énorme problème au niveau du climat. Et bien sûr, sans compter toutes les espèces qui se perdent, l'habitat, les espèces rares et aussi les effets sur les communautés. Parce que, il y a des gens qui habitent dans ces zones-là, dans ces forêts-là. Les activités criminelles pour le bois, Interpol, dans son rapport, a noté une grande augmentation des types de crimes, d'autres types de crimes comme les assassinats, les agressions violentes ou les atrocités commises contre les habitants des peuples autochtones qui habitent ou ont des activités dans ces forêts-là. OK. Puis aussi, comme tu le disais tout à l'heure, aussi toutes les réserves, la réserve génétique, dans le fond, que constituent ces forêts qu'on détruit. Ces forêts-là. Une fois qu'elles sont détruites, puis c'est pas fait, on va faire des coupes en mosaïque comme au Québec ou par petites rangées, on garde les petits... Non, ça doit se faire d'une manière un peu cow-boy. Bon, hein? C'est ça. On s'en doute, radical, puis on Oui, tout, c'est ça, là. Parce que c'est l'argent, le nerf de la guerre. C'est ça. Le commerce... Est-ce qu'on a une idée, en fait, des sommes que ça représente? C'est très, très élevé. Le commerce illicite juste de bois a une valeur estimée entre 30 et 100 milliards de dollars américains par année. Oh. C'est vraiment très élevé. Donc, il y a des efforts, il y a des programmes qui existent pour la déforestation, contre la déforestation, la dégradation des forêts, mais c'est vraiment pas évident parce que le commerce illicite porte bien son nom. c'est en dessous du radar, là, ça, c'est pas ça. Détecté. Là. Donc, c'est vraiment une grande problématique. Et quels sont les modes de fonctionnement, en fait, de tous ces groupes là, qui sont illégaux? Bien, comme tous les groupes de crimes organisés, il y a plusieurs tactiques. Donc, il y a des tactiques plus traditionnelles. Bon, le pot de vin, là, le classique pot de vin. Je te donne de l'argent, tu me donnes une zone, d'accord, j'ai le droit d'aller couper les 20 km² par là, tu me donnes 20 000 $. Donc, il y a ce classique-là. Mais il y a aussi des nouvelles, bien sûr, le piratage de sites web gouvernementaux. Il peut y avoir aussi... souvent, ils vont essayer de dépasser leurs activités très rapidement. Donc, les bûcherons, les exploitants illégaux vont se promener pour pas toujours être à la même place et être détectés par la police. Donc, il y a vraiment une manière de se déplacer pour éviter tout ça. Dans le rapport, il explique plusieurs exemples, mais bon, le classique aussi, falsifier les permis d'exploitation, un faux permis. Ben oui. Bon, comme je disais, des pots de vin pour avoir ou bien des zones d'exploitation ou bien des permis, ou avoir une zone, mais personne ne s'en rend compte, puis on exploite plus loin que la zone. Hein? Ça, c'est facile aussi. Parce qu'on sort des limites permises. On sort des limites permises. Pirater des sites web, comme je disais, pour pourquoi on pirate? C'est pour avoir accès à modifier son permis, avoir un vrai numéro, des fausses entreprises. Souvent, maintenant, c'est informatisé. Donc, ça permet d'avoir... Donc, le piratage, finalement, des sites gouvernementaux. Exactement pour ça. Aussi, on peut, une bonne façon de blanchir des millions de mètres cubes de bois, c'est de mélanger du bois coupé illégalement avec du bois coupé légalement. Ensuite, ben là, on envoie ça dans des scieries, on fait du papier, des pâtes à papier, du carton, fouip, ni vu ni connu. Oui, comme une fois que c'est mélangé, il n'y a plus de signature. Il n'y a plus de signature, il n'y a plus rien. Et puis, bon, l'autre grosse arnaque, c'est aussi de vendre du bois qui vient de forêts sauvages, comme si c'était, c'est comme si ça provenait d'une plantation de bois légale. Donc blanchir des coupes de bois. Oui, exactement, une fausse étiquette. Et puis souvent les compagnies, ils bénéficient de subventions comme si elles avaient des plantations légales de bois, mais elles n'en ont pas. Donc bref, il y a plusieurs. Et est-ce que le rapport de l'ONU puis de l'Interpol en fait fait état d'exemples en fait? Oui, il y a plusieurs exemples. Il y a des tristes exemples. Par exemple, en 2009 au Brésil, parce que le Brésil a une grande partie de la forêt amazonienne, donc plusieurs fait partie de la problématique. Il y a une grande enquête sur escroquerie qui a impliqué 3000 entreprises de l'industrie du bois au Brésil. Et tout ce bois-là était éco-certifié faussement et envoyé aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc, beaucoup de beaux bois éco-certifiés ne l'est peut-être pas. Et aussi, moi, je trouve ça très triste au Congo, qui est un pays où ça brasse pas mal, je pense. Il y a un grand parc, le parc des Virunga, qui est célèbre pour ses gorilles et sa grande forêt. Il y a eu plus de 200 gardes forestiers qui ont été tués lors de la dernière décennie, juste parce que des gens voulaient avoir accès à cette forêt-là pour la couper et faire des charbons de bois, qui est un commerce très, très lucratif au Congo. Donc, 200 gardes forestiers qui ont été tués. Il n'y aurait plus de gorilles s'ils coupent la forêt. Oui, ça c'est vraiment problématique, très tentaculaire. Et en fait, d'où proviennent les fonds? Il doit bien y avoir quelqu'un pour financer tout ça? Ben oui, parce que bon, l'argent ne vient pas de nulle part. Il y a quelqu'un qui achète puis qui veut bien financer ces entreprises-là. Donc, c'est des flux de fonds souvent qui viennent de l'Europe, des États-Unis ou de l'Asie, de gens qui ont l'argent pour qui veulent financer ça. Souvent, ça implique des entreprises dans le trafic. Et puis, souvent même, c'est ça, ils établissent des plantations, mais c'est comme une couverture pour pouvoir avoir d'autres activités illégales en arrière. Et puis, ce qui est triste aussi, c'est que souvent, toute la filiale est corrompue. Les fonctionnaires, les militaires ou la police, c'est beaucoup plus payant pour eux de recevoir un pot de vin que faire entamer des procédures judiciaires qui sont très longues et qui leur apportent rien à leur famille. Souvent, c'est du court terme. « Ah, ben je vais pouvoir nourrir ma famille si je suis garde ici puis ils me donnent 20 000 $. Donc, c'est très difficile. Et puis, d'ailleurs, c'est la Chine qui est la plus grande acheteuse de bois illicite. Ah oui, c'est vrai. Parce que la Chine est construite beaucoup aussi. Hein? Ils ont des grands projets d'envergure. C'est très, très, très... La demande est forte. La demande est très forte. Donc, la Chine, c'est elle qui achète le plus. Et puis, si on se regardait le nombril au Québec, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien, évidemment, on est une province productrice de bois. Ouais. Donc, qui est quand même un pan de notre économie. Donc, il y en a beaucoup de bois local, le papier, je crois que ça vient pas mal du Québec ou du Canada, mais on n'en parle pas, mais il y en a, parce que bon, les gens qui recherchent des espèces particulières, exotiques souvent, c'est qu'il y a des clients, c'est beaucoup les entrepreneurs, les promoteurs, il y en a qui regardent, qui s'intéressent à l'origine du bois et d'autres qui ne se posent pas de questions puis veulent que ça soit fait. C'est ça. Donc, c'est possible, mais heureusement, au moins la mode maintenant est aux espèces indigènes comme le noyer ou le chêne. Donc, ah oui. Ça, c'est... Mais il disait qu'après il y a 20 ans, l'acajou du Brésil était très à la mode. C'est pas une bonne mode de vouloir du bois du Brésil. Et est-ce que le rapport, en fait, de l'ONU, en fait, apporte des propose des solutions pour contrer finalement ce commerce illégal? Évidemment, mais c'est vraiment pas évident, hein, parce que comme on le voit dans les médias ici au Québec, là, pour un c'est pas le commerce du bois, mais bon, c'est la mafia. Hein? C'est tellement tentaculaire, il y a tellement de l'argent. C'est l'argent, le moteur là, de tout la ça. Guerre, ouais. Ouais. Donc, c'est tant que ça sera pas plus payant de conserver que de faire du commerce illicite, il va en exister. Évidemment. Donc, c'est sûr qu'il y a des pistes de suggestions, un meilleur financement des projets, accroître les capacités nationales d'enquête et les capacités opérationnelles nationales. Donc, s'il n'y a pas des gens qui vont voir sur le terrain, c'est sûr que tout le monde peut faire n'importe quoi. Ça fait. Ça, c'est évident. Essayer de centraliser toutes les autorisations de défrichement dans un registre national pour un pays, par exemple, pour qu'on voie plus les irrégularités. C'est plus simple comme mm-hmm. ça. Ou classer en région géographique en fonction de l'intensité. Par exemple, un bois qui vient de l'Asie, peut-être un gros point rouge pour dire, ben écoute, on ne peut pas garantir, mais c'est une zone à risque pour avoir du bois de source louche, je dirais. Donc, puis encourager les enquêtes sur les fraudes fiscales, tout ça. Mais c'est s'il n'y a pas de solution miracle du tout, là, je pense que c'est pas à veille de se terminer, malheureusement. Alors, malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Alors, c'est une nouvelle infiniment triste que tu nous apportes, Christian. Oui, malheureusement, avec une journée triste, honnête aussi. Alors, constater une infiltration du crime organisé, en fait, dans tant de domaines à l'échelle mondiale, et la corruption des fonctionnaires qui la rend possible. Alors, c'est pas ça qui nous rend, ni nous dessine un avenir meilleur. Alors, merci, Christian. On va passer en musique.